partit à la recherche d'un bateau qui pourrait l'emmener, lui, Mrs. Aouda, Passepartout et Fix, en Europe, Fogg parvient à convaincre un vieux loup de mer de les prendre à bord du Henrietta, qui part pour Bordeaux. Le 12 décembre, le steamer Henrietta partait rapidement vers l'est. Le lendemain, 13 décembre à midi, un homme monta sur la passerelle pour faire le point. Certes, on doit croire que cet homme était le capitaine. Pas le moins du monde. C'était Phileas Fogg. Ce qui s'était passé était très simple. Phileas Fogg voulait aller à Liverpool. Le capitaine ne voulait pas l'y conduire. Alors, Phileas Fogg avait accepté de prendre passage pour Bordeaux. Et depuis 30 heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de banknotes que l'équipage, matelots et chauffeurs, équipage un peu interlope, qui était en assez mauvais terme avec le capitaine, lui appartenait. Et voilà pourquoi Phileas Fogg commandait au lieu et place du capitaine. Pourquoi le capitaine était enfermé dans sa cabine et pourquoi enfin l'Henrietta se dirigeait vers Liverpool. Seulement, il était très clair, avoir manœuvré M. Fogg, que M. Fogg avait été marin. Au bout de 4 jours de traversée, à la plus vive allure, le mécanicien avertit qu'il va être à court de combustible. Fogg rachète donc l'Henrietta au capitaine et ordonne de le démanteler pour brûler tout ce qui est possible. À midi moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à 6 heures de Londres. Mais à ce moment, Fix approcha, lui mit la main sur l'épaule et exhibant son mandat. « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg, dit-il ?»« Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. »